Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 12 octobre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier pour le libre journal de La Liberté Surveillée. Je recevrai tout à l'heure à 19h30 Jean-Marie Le Pen pour un entretien général sur l'actualité, son bilan, ses perspectives. Et en première partie tout de suite, je reçois Jérôme Bourbon. Bonsoir. Jérôme, pour le Club de la Presse, comme d'habitude, et pour la deux ou troisième fois de suite, les filles nous ont laissé tomber. Elles reviendront, c'est promis, en novembre. Mais pour l'instant, donc, nous ne sommes que deux, Jérôme et moi, pour ce Club de la Presse et pour passer en revue toute l'actualité du jour. Donc, on va devoir travailler. Et on va commencer tout de suite, je crois, c'est parce qu'il y a une grosse actualité, par l'étranger, par les affaires étrangères et notamment les affaires américaines, puisque l'élection présidentielle aura lieu maintenant dans quelques semaines, en novembre, et que les deux candidats, le républicain Trump et la démocrate Clinton, viennent d'avoir leur deuxième débat, que toutes les presses du monde entier tombent à bras raccourcis sur Trump, lâché par quelques caciques du parti républicain, jugent ses propos tout à fait scandaleux, alors que, évidemment, tout le monde a les yeux... les mêmes pseudo-élites ont les yeux de chimène pour Hillary Clinton. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jérôme, de tout ça? Eh bien, d'abord, il est clair que depuis de longs mois maintenant, le Parti républicain, dans sa direction, en tout cas, soutient Donald Trump comme la corde soutient le pendu. On l'avait vu déjà au moment des élections, des primaires, où manifestement il n'était pas de l'établissement et par conséquent on a essayé par tous les moyens de l'empêcher d'avoir la majorité absolue des délégués, ce qu'il a fini par obtenir, par avoir, parce qu'il y avait un tel succès populaire qui ne s'est pas démenti de mois en mois, de sorte que le Parti républicain a bien été obligé de le constater. Mais on voit très bien qu'un certain nombre de caciques, de dirigeants du Parti républicain, au fond, préféreraient l'élection d'Hillary Clinton, parce que ce serait l'assurance d'une parfaite continuité des grandes orientations de la politique américaine, d'abord et surtout à l'international, mais même sur le plan intérieur, puisqu'au fond, ce serait comme si on avait un troisième mandat de Barack Obama, mais je dirais en pire, parce qu'elle me paraît beaucoup plus belliciste, en pire, à belliqueuse. Votre avis, pas à mon sens, en pire. Puisque, comme on l'avait dit la dernière fois, Barack Obama, au moins dans l'affaire iranienne, avait fait preuve d'une certaine réserve, d'une certaine retenue. Je doute qu'il en irait de même de la part d'Hillary Clinton. Clinton qui a été une secrétaire d'État extrêmement belliciste en Libye, en Syrie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle est depuis très longtemps très active dans le lobby pro-israélien le plus radical, autour de l'EPAC, etc. Et que par conséquent... L'EPAC, dites à nos auditeurs ce que c'est que l'EPAC, peut-être ? Eh bien, c'est une organisation états-unienne extrêmement puissante qui est le principal lobby israélien, ce n'est pas le seul d'ailleurs, aux États-Unis, et qui joue un rôle considérable sur la politique américaine, puisque tous les candidats doivent passer un grand oral devant cette organisation. C'est un petit peu toute chose égale par ailleurs, mais ce n'est pas au même niveau, ce qu'est le CRIF en France, qui est au fond le représentant officieux, même s'il s'en défend mollement, de l'État d'Israël en France, hein, et où depuis une trentaine d'années. Alors d'abord, c'était le Premier ministre qui s'y exprimait chaque année devant ce dîner annuel. Puis maintenant, on est monté encore plus haut. C'est directement, depuis Nicolas Sarkozy, le chef de l'État qui lui-même préside à ce dîner en faisant un discours qui est un discours d'allégeance, hein, et de soumission en général. Alors, pour en revenir aux États-Unis, Trump, pourquoi est-il si mal vu? Il fait cradin, quoi. Il est mal vu parce qu'il n'est pas de l'établissement d'aucun l'on comparait à Jean-Marie Le Pen, et je pense qu'il y a beaucoup de... C'est méchant pour qui ? Je ne sais pas, mais en général, ce n'était pas un compliment de la part de souvent des gens qui le disaient, mais je crois en tout cas que la comparaison est globalement vraie. Elle a évidemment ses limites, hein, bien sûr, puisque ce n'est pas quand même la même carrière, puisque Le Pen est un homme politique depuis sa prime jeunesse, ce qui n'est pas le cas de Trump, hein, qui a fait fortune dans l'immobilier, qui a fait de la télé-réalité, et qui est venu dans la politique de manière relativement plus récente. Mais il a d'ailleurs était à l'époque un des soutiens des Clinton, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire qu'étant un magnat de l'immobilier, oui. Il a été amené effectivement à avoir des relations avec les puissants du moment, c'est sûr. Mais moi, nous ne sommes pas ici l'avocat de Trump, mais il me semble que pour une fois, le fait que ce ne soit pas le candidat qui avait été choisi par, je dirais, la direction du Parti républicain, ben je trouve que ça crée un petit peu de davantage d'intérêt, presque de fantaisie, dans cette campagne américaine qui est parfois bien morne. Bon. Alors que pensez-vous des attaques vraiment ad hominem qu'il est en train de subir, notamment, on a ressorti une très vieille phrase qu'il avait prononcée, je ne sais plus combien d'années, sur certaines dames qui sont facilement... attrapable par les hommes politiques et les hommes riches. Enfin, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Il est évident que si François Hollande n'était pas président de la République, je ne pense pas qu'il aurait le tableau de chasse qu'il présente. Et c'était la même chose pour François Mitterrand, qui était un grand coureur devant l'éternel, parce qu'il était précisément un politique. Donc, finalement, ce qu'on reproche à Trump, c'est de dire... Un peu grossièrement, il faut bien le dire, parce qu'il n'y a quand même pas, c'est pas de la fleur des pois, hein, mais de dire la vérité. Oui, on fait grand cas de peu de choses, de plaisanteries, de carabins, de réfectoires, alors même que, s'agissant, comme il a très bien répondu, s'agissant de Bill Clinton, il ne s'agit pas simplement de paroles, de plaisanteries plus ou moins heureuses, mais carrément d'actes, et d'actes délictueux, voire criminels, hein, sur un certain nombre de jeunes femmes, et dont on sait que Hillary Clinton a tout fait pour protéger son mari au détriment de ses victimes. Bon. Et on a même évoqué l'affaire, puisqu'elle était avocate, et bien qu'elle avait défendu un violeur également, bon, et dont elle savait qu'il était coupable. Bon, et donc, de ce point de vue-là, je crois que Trump a répondu. D'ailleurs, dans le deuxième débat, il y a encore un troisième qui va arriver, il l'a plutôt emporté. Alors la presse française a dit match nul. Quand la presse française dit match nul, ça veut dire qu'au fond, il l'a dominé. C'est là aussi où la comparaison avec Jean-Marie Le Pen est intéressante. Bon, c'est un bon débatteur, un bon client télé, un excellent orateur, quelqu'un qui a le sens de la répartie et des formules qui font mouche. Et par conséquent, le caractère, je dirais, artificiel et très politicien de Hillary Clinton se manifeste face aux saillies de Donald Trump, qui a osé lui dire à un moment donné, dans une répartie, je vous jetterai en prison, quoi. Voilà. Je dois dire de ce point de vue-là qu'il y a quand même une liberté dans les débats américains qu'on n'a pas en France. Oui, on verrait pas ça, hein, entre, voilà. Je ne sais pas. Moi, je me rappelle lorsque j'avais regardé les débats Chirac-Giscard, Chirac-Mitterrand, Chirac-Jospin, entre les deux tours de chaque élection présidentielle, moi je trouvais que, en plus c'était des débats qui duraient 2 à 3 heures, et c'était d'un ennui profond. Mais la seule formule dont on se souvienne, c'était Giscard-Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Oui, mais voilà. J'étais pas bien violent quand non. même. Et puis je crois dans un débat entre Mitterrand et Giscard, Giscard disait à Mitterrand, vous êtes l'homme du passé, et Mitterrand avait répondu, vous êtes l'homme du passif. Bon, mais en dehors de ça, ça allait quand même pas très loin. Bon. Et donc... La seule fois où il y aurait pu y avoir un débat intéressant, c'eût été entre Chirac et Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002, mais Chirac s'est défilé évidemment par peur, donc il a essayé d'arguer de grands principes républicains pour se défiler, mais il est clair qu'il avait peur évidemment d'être éliminé, parce que contrairement à ce qu'on dit ici ou là, Chirac n'était pas du tout un bon orateur, il lisait péniblement un prompteur, il regardait son texte à travers un prompteur. Je me souviens même de Jacques Chirac accueillant Jean-Paul II une fois à l'aéroport et lisant sa fiche « Votre sainteté ». Alors je ne sais pas ce qu'il avait pris ce jour-là, si c'est de la cocaïne ou quoi, mais visiblement il était complètement en dehors du coup, puisqu'il était forcé de lire une petite fiche. Vous savez, il était incapable d'improviser, Chirac. Hein. Absolument. Très mauvais d'ailleurs dans son débat en 2005 sur la Constitution européenne face à des jeunes. Il avait vraiment été là, il avait été lamentable. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant il y a des sondages qui laissent à penser que 83% des Français auront un bon souvenir des années Chirac, je cite. Bon, mais moi je suis de ceux qui pensent, comme Jean-Marie Le Pen, que c'était probablement le président le plus détestable, le plus calamiteux qu'on ait eu. Dans son bilan, sur le plan intérieur qu'extérieur. Et malheureusement, beaucoup d'imbéciles, il faut bien le dire, ou de gens naïfs, pour être gentils, pendant des décennies, l'ont considéré comme un homme de droite. Il est vrai que dans les années 70, la gauche parlait de facho Chirac, alors qu'en réalité, il a été tout à fait détestable, et pas simplement vers la fin de sa carrière, hein, je dirais dès les débuts, puisque lorsqu'il a été Premier ministre de Giscard, il était encore jeune, de 74 à 76, c'est là où les lois les pires ont été votées et appliquées, que ce soit la loi sur l'avortement, et la loi sur le regroupement familial, la taxe professionnelle, ruineuse pour les entreprises. Bon, et je dois dire qu'à chaque fois qu'il était au pouvoir, il a augmenté les impôts et les taxes, et il a pris des mesures de gauche, puisque même lors du gouvernement de cohabitation entre 86 et 88, il a renoncé à la réforme du code de la nationalité, renoncé à la réforme des universités, qui prévoyait une certaine forme de sélection liée au mérite. Et voilà, il a été absolument désastreux. Nous sommes bien d'accord, mais alors on va revenir quand même aux États-Unis. Hillary Clinton, chacun le sait, a produit un certain nombre de tweets ou de courriels dont certains ont fuité par WikiLeaks, et là il y en a deux trois qui sont pas mal, parce que l'un dit elle est devant un parterre de banquiers organisé par un colloque organisé par Goldman Sachs, où elle dit je vous ai bien représenté pendant 8 ans, et un autre courriel donne ceci, elle parle de ses journalistes amis, donc les chouchous. C'est vraiment la candidate de connivence avec le système, les banques et les médias. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le traitement de cette campagne, puisque même Trump s'est plaint à juste titre de ce que les personnes qui animaient le débat télévisé n'étaient pas neutres et posaient des questions beaucoup plus difficiles et beaucoup plus insidieuses à Trump qu'à Hillary Clinton. Et il n'est que de voir comment tous les journaux, y compris d'ailleurs les journaux dits de droite, comme le Figaro et autres, je trouve que tout ce que j'en ai lu jusqu'à présent, c'est quand même très anti-Trump. Hein. Et même Sarkozy lui-même a dit qu'il voterait Hillary Clinton. Bon, ce qui montre bien à quel point Trump est quand même est considéré comme un élément qui n'est pas des leurs, quoi, qui n'est pas de leur monde, malgré tout. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Oui, parce qu'il n'est pas complètement contrôlable, malgré ses défauts, parce qu'il en a, et ses ambiguïtés sur certaines choses, l'avortement, etc. Il n'est pas du système. Voilà. Il n'est pas du sérail, voilà. Qu'est-ce que vous pensez des... est-ce que vous en avez une opinion, ou pas du tout d'ailleurs, sur les sondages qui continuent à m'adonner Hillary Clinton en tête? C'est du flan, c'est du vrai? Je ne sais pas. Là, c'est très difficile à dire. On le saura, l'élection a lieu le 8, on le saura en France le 9 novembre au matin. Sauf si les résultats sont très serrés, comme ça avait été le cas entre Bush et Al Gore, et qu'il avait fallu un mois de recomptage, de différentes décisions contradictoires de la justice américaine. Al Gore qui vient d'être réutilisé par Hillary Clinton, ce qui prouve qu'à mon avis, les choses ne doivent pas aller si bien, puisqu'elle a vraiment besoin du banc et de l'arrière-banc de l'établissement américain. Vous savez, jusqu'au dernier moment, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tous les coups seront permis, certainement. Aux États-Unis, c'est encore plus violent qu'en France, donc je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais on ne peut pas exclure, en effet, que les résultats soient très serrés, parce que, au fond, ce sont deux Amériques qui se font face. Une Amérique populaire, essentiellement blanche, plutôt masculine, qui vote très nettement, très majoritairement Trump. Et puis, une Amérique, je dirais, des minorités ethniques, minorités sexuelles, beaucoup de femmes également, beaucoup d'hispaniques, beaucoup de gens de couleur qui votent en faveur d'Hillary Clinton. Mais en fait, c'est plus un vote contre Trump que pour Hillary Clinton, voilà, très très clairement. De toute façon, quel que soit le vainqueur, ces deux Amériques continueront à coexister, et toute la difficulté du vainqueur, ce sera précisément d'entraîner la moitié des États-Unis qui n'a pas voté pour lui et de ne pas la laisser de côté. Mais bon, on sait très bien de toute façon que si c'est Hillary Clinton qui l'emporte, elle fera la politique effectivement des banques, d'un certain nombre de lobbies et non pas celle que souhaiterait le peuple américain. Et surtout, elle est très favorable à l'immigration massive. Parce que je pense aussi quand même que ce qui, je crois, est un élément puissant dans le succès de Trump, notamment dans les primaires, même encore aujourd'hui dans les... Le fait qu'il reste quand même un assez haut niveau d'intention de vote, c'est quand même en partie pour ses positions quand même assez nettes, assez franches, assez radicales sur l'immigration. Et c'est là qu'on va voir, justement, ça sera très intéressant, de savoir s'il va réussir à faire bouger les abstentionnistes qui sont extrêmement nombreux aux États-Unis, ou si, comme dans les deux dernières élections, ce sont les minorités qui font l'élection, parce que Barack Obama a gagné l'élection, mais la majorité de la majorité, c'est-à-dire des Américains de souche, avaient voté contre lui. Donc, pour l'instant, les démocrates instrumentalisent, de la façon la plus trotskiste qui soit, les minorités dites défavorisées contre la majorité. Le sentiment américain n'est pas naturellement toute la difficulté, effectivement, c'est de, sachant qu'il y a environ un Américain sur deux qui ne vote pas à l'élection présidentielle tous les quatre ans, eh bien, c'est de, pour Trump, c'est d'amener un certain nombre d'abstentionnistes structurels, si j'ose dire, eh bien, à voter en sa faveur. S'il arrive à déplacer ces millions de gens, il peut l'emporter. S'il n'y arrive pas, de manière mécanique, c'est Hillary Clinton qui l'emportera. Mais un mot encore sur l'immigration, ce phénomène qui porte Trump depuis un certain nombre de mois aux États-Unis, je pense qu'en grande partie, c'est ce qui explique le succès du Brexit au Royaume-Uni il y a quelques mois et le succès quasi complet du FP en Autriche qui a failli l'emporter et qui l'aurait sans doute emporté sans les tricheries qu'il y a eu face au candidat des Verts en Autriche. Et donc on voit très bien que ce qui était un phénomène essentiellement français, parce qu'on était quand même beaucoup plus envahis que d'autres pays. Eh bien, aujourd'hui, il semble que dans d'autres pays d'Europe et même d'Occident, ouais, avec l'Amérique du Nord, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui se rendent compte de ce que c'est un peu en quelque sorte leur survie, un modèle de société, mais aussi un petit peu leur survie qui est en jeu. Voilà. Ce dont ils n'avaient pas forcément conscience il y a encore quelques décennies ou quelques années. Il est 18h17. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier, c'est-à-dire moi-même. Je recevrai tout à l'heure à 19h30 Jean-Marie Lopez et je reçois actuellement, nous sommes en ce moment dans le Club de la Presse avec Jérôme Bourbon. Quelques petites annonces. Il y aura devant Saint-Rita le 16 octobre à 11h. Saint-Rita, c'est 27 rue François Bonvin dans le 15e. Une messe. Il y aura également une autre messe le 29 octobre à 11h pour les défunts de Radio Courtoisie. Alors, elle aura lieu en l'église Saint-Eugène, 4 bis rue de Sainte-Cécile, dans le 9e, métro Bonne Nouvelle ou Grand Boulevard. Elle sera dite par M. l'abbé Marc Guelfucci, curé de la paroisse, selon la forme extraordinaire du rite romain. Voilà, donc, on se recueillera en particulier pour Gérard Marin, mais également pour tous les autres défunts de Radio Courtoisie. Je rappelle donc, cette messe aura lieu le samedi 29 octobre à 11h à Saint-Eugène, en l'église Saint-Eugène, 4 bis rue Sainte-Cécile. Voilà, on va venir peut-être à la politique française, quitte à revenir sur l'étranger, parce qu'on n'a pas d'ordre, mais on va parler de Jean-Marie Le Pen et de ces procès, parce que nous allons le recevoir tout à l'heure pour toutes sortes de raisons, mais il faut peut-être, faire un état des procès dont certains, d'ailleurs, concernent Rivarol. Alors, vous êtes fèvre en la matière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Volontiers. Alors, le 6 octobre, la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, a rejeté la requête qu'avait introduite Jean-Marie Le Pen sur la suite de sa condamnation définitive en France par la Cour de cassation relativement à des propos qu'il avait tenus chez nous, donc dans un entretien à Rivarol il y a maintenant plus de 10 ans, puisque les propos incriminés datent du 7 janvier 2005. Où... Ah oui, il lâche rien de l'autre côté. Hein. Ah bah, ça a été très long, parce qu'il y a eu une première instance, une appel, une première cassation, un deuxième procès en appel, une cassation qui nous a donné tort et en 2013. Et donc, c'est là que Jean-Marie Le Pen a introduit, donc, devant la Cour européenne des droits de l'homme, une requête qui, donc, a été jugée irrecevable. Alors, pour bien fixer les idées, est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, de quels étaient ses propos qui étaient... Oui, tout à fait. Moi, je peux les citer d'ailleurs de mémoire, hein, je crois, à la virgule près. En France, donc, je cite, voilà, les propos incriminés. Je précise toutefois, quand même, pour bien donner le contexte, qu'il s'agissait d'un entretien de deux pleines pages, format A3, donc une grande interview, quelques mois avant le référendum sur la Constitution européenne en 2005, qu'il était question essentiellement de politique intérieure et de politique internationale, et que vers la fin, donc, il a été question très brièvement, puisque c'était le 60e anniversaire des commémorations de la fin de la guerre, un petit peu de la chape de plomb qui subsistait, qui même s'aggravait sur tous ces sujets. Et donc c'est là que, dans le cadre plutôt d'une conversation à bâton rompu, eh bien Jean-Marie Le Pen a évoqué brièvement une anecdote, le massacre d'Ascq, donc, et également, de manière plus générale, a évoqué l'occupation allemande, que lui, contrairement à d'autres, a vécu, bien qu'il fût jeune à cette époque, et donc, où il disait que, si on la compare à d'autres pays européens, comme par exemple en Hollande, en Belgique ou ailleurs, l'occupation allemande en France, je cite, n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures inévitables dans un pays de 550 000 km², je ferme les guillemets. Voilà. Et donc, c'est donc essentiellement cette phrase qui a valu au directeur de Rivarol, au journaliste qui a pris l'interview et à Jean-Marie Le Pen, eh bien une condamnation pour, je cite, contestation de crimes contre l'humanité. Jean-Marie Le Pen a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, ce qui n'est pas rien, 10 000 euros d'amende, et puis donc les deux rédacteurs de Rivarol à 5 000 euros et 2 000 euros d'amende. Bon, voilà, de manière donc définitive. Et Jean-Marie Le Pen espérait, sans doute sans trop y croire, que les juges européens, étant peut-être justement moins centrés peut-être sur ce qui s'est passé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ayant peut-être un réflexe un peu moins franco-français, guerre civile qu'il y a eu notamment en France pendant la guerre et pendant l'occupation et avec l'épuration à la libération, que peut-être il montrerait peut-être un petit peu plus d'ouverture dans le débat intellectuel et historique, surtout maintenant, plus de 70 ans après la fin de la guerre. Or, il n'en a rien été. Et je crois que c'est intéressant parce que cela prouve que, contrairement à ce que pensent certains, eh bien, l'Union européenne ne présente pas davantage de garanties de liberté, pour la liberté publique, pour la liberté de recherche, d'opinion, d'expression, de pensée, bien au contraire. Et je rappelle qu'il y a eu déjà des arrêts ces dernières années qui prouvent que la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas plus ouverte que ne l'est notre Cour de cassation, notre Conseil constitutionnel, puisqu'aussi bien dans l'affaire Garaudy ou dans l'affaire Pierre Marais, qui s'était pourvu également devant la Cour européenne des droits de l'homme en 96 et en 98, eh bien, cette juridiction européenne ou européiste, eh bien, avait également rejeté leur requête. Alors là, oui, la CEDH, en l'espèce, elle a statué sur le fond, elle a statué sur des questions de principe de liberté. Sur le fond, disons qu'il est vrai que la liberté d'expression de Jean-Marie Le Pen avait été, réduite, restreinte, mais qu'elle avait été restreinte de manière proportionnée. Alors là, on est dans l'arbitraire le plus absolu, oui, qui décide de ce qui est proportionné ou disproportionné, légitime ou illégitime, parce que... Pardon. Ajoute la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, les motifs avancés par les juges leur paraissent suffisamment pertinents et fondés, et que d'autre part, il est reproché à Le Pen de faire l'apologie d'une organisation criminelle, puisque dans l'affaire d'Ascq, il avait évoqué très brièvement le rôle de la Gestapo de Lille, qui aurait arrêté le massacre d'Ascq. En fait, il s'était trompé, il l'a reconnu après, c'était pas la Gestapo, c'était la FEL de gendarmerie, bon, mais ça n'était évidemment pas, quand on lisait l'article, une apologie, mais simplement pour montrer que les choses sont parfois plus complexes et moins manichéennes que ce que l'on veut bien dire. Voilà. Donc si je comprends bien, pour résumer, la Cour européenne des droits de l'homme s'est instituée super prof d'histoire et a donné une bonne note aux juges français. Voilà. en histoire. Non, mais ça veut dire qu'on reste encore quand même sur la jurisprudence de Nuremberg, ouais. Alors que par exemple, un des juges nommés par Staline avait été juge au procès de Moscou, et dont on savait que Nikitchenko. Absolument, voilà. Et qu'il était quand même, dont tout le monde, tous les historiens reconnaissent qu'il a eu un rôle tout à fait détestable lors des procès de Moscou. Bon, et donc, et qu'on sait très bien que c'est un tribunal des vainqueurs jugeant les vaincus, dans un contexte très particulier, très manichéen. Et les juges ont même dit que c'était une continuation de l'acte de guerre des Alliés contre les puissances de l'Axe. C'est absolument explicite. Un tribunal où on n'avait pas besoin de faire la preuve de ce qu'on avançait, ou ce qui, je cite, était de notoriété publique, ne devait pas être prouvé, etc. Donc quelque chose qui est assez inouï. Bon, eh bien, plus de 70 ans après les faits, alors qu'on s'éloigne chronologiquement de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, plus on avance, plus eh bien, les libertés sont réduites dans ce domaine-là. Et il faut aussi se demander pourquoi. Il y a des raisons à cela, des raisons essentiellement politiques, d'ailleurs, idéologiques. Est-ce qu'il y a des raisons qui soient dissibles à l'antenne ? Je pense qu'il y a des raisons qui sont dissibles. Je pense que, on parle souvent de la politique de grand remplacement, par exemple. Eh bien, je pense que les principes de Nuremberg sont là pour nous tétaniser, tuer nos défenses immunitaires, parce que si l'on propose une politique, d'arrêt de l'immigration et même de réémigration, d'inversion des flux migratoires, tout de suite on nous dit, attention, vous voulez déporter les immigrés, comme naguère, pendant la guerre, on déportait les juifs, et c'est un crime contre l'humanité, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il y a cela. Et de la même façon, si vous voulez défendre la famille traditionnelle contre le prétendu mariage homosexuel, etc., on vous dit, là, vous faites du pétainisme, et Pétain a été complice d'un génocide, on sait où ça a mené. Bon. Et c'est ainsi que toute une série de questions sont interdites ou suspectes dans le débat public, et notamment tout ce qui concerne le prétendu racisme, antiracisme, eh bien, je crois qu'il a joué un rôle considérable. Par exemple, la création de SOS Racisme en 1984, ça fait quand même maintenant plus d'une génération, il est sûr que ça a joué un rôle tout à fait considérable, parce que bon, moi j'en ai connu, il y a quand même beaucoup de Français de souche, par millions, qui ont été quand même très influencés par là, parce qu'on les culpabilisait finalement. Bon. Et donc, toute politique de restriction de l'immigration a été criminalisée ou a été considérée comme moralement inacceptable. Et c'est ce qui a permis au pôle noir de l'histoire. C'est ce qui a permis cette submersion migratoire, oui, c'est évident. Et donc, dans le délitement de la famille, dans le délitement de la société, dans la submersion migratoire, il est évident que Nuremberg joue un rôle tout à fait considérable. Il n'y aurait pas tous les jours sur les chaînes d'histoire des documentaires sur Adolf Hitler, sur le national-socialisme, sur Vichy, sur le maréchal Pétain, sur ce qu'ils appellent les heures les plus sombres de l'histoire, s'il n'y avait pas un objectif politique derrière. C'est bien évident. Je crois qu'il faut vraiment être aveugle ou naïf pour ne pas le voir. Et je dirais même que c'est de plus en plus massif. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jean-Marie Le Pen a pris parfois certaines libertés verbales sur ces questions, il a été lourdement condamné. Mais ce qui est un peu triste, c'est que même dans son mouvement, des gens on cru bon de faire chorus finalement avec le système, alors que justement par ses propos il essayait un petit peu de déverrouiller un petit peu ce système qui nous opprime et qui nous oppresse, parce que toutes les vérités doivent être dites. Et je m'étonne toujours que ce soit les mêmes qui dénoncent l'Inquisition qui finalement sur ce plan là pratiquent une loi contre le blasphème, hein, puisque la loi Guesso ça n'est jamais qu'une loi contre le blasphème, à ceci près que sous l'Inquisition et même après, enfin, je veux dire, par exemple, dans l'affaire Galilée, on n'empêchait pas Galilée d'exposer sa théorie, simplement on demandait qu'il le considère comme une hypothèse, non pas comme une certitude absolue. Or là, même comme hypothèse, ça n'est pas autorisé, on n'a même pas le droit d'exprimer un doute d'ailleurs, il y a eu des condamnations à des peines de prison ferme pour simplement avoir mis des conditionnels ou des points d'interrogation, ou même des guillemets, dans un article relativement à ces questions. Donc là, on est véritablement dans le dogme de foi, dans la vérité révélée, alors même qu'on professe par ailleurs un athéisme le plus total. Quoi. Bon. Donc ça, c'est assez intéressant à observer, mais il est évident que même si ce n'est pas le seul, évidemment, la seule explication, tant s'en faut bien sûr, de notre dégénérescence, de notre décadence, je crois quand même que c'est un élément évidemment essentiel, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a grand tort de s'en prendre aux gens qui, avec un certain courage, une certaine bravoure, osent porter le fer dans la plaie. Alors, il est 18h29, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, le club de la presse en première partie avec Jérôme Bourbon, et je vais maintenant lire quelques réactions ou questions des auditeurs et auditrices. Il y en a un qui m'engueule, il a raison de le faire. J'ai entendu parler des Américains de souche qui étaient les Indiens. Ils ont été exterminés par les Anglo-Saxons, c'est exact. Mais aujourd'hui, disons, ceux qui forment la souche de la population actuelle, ce sont des immigrants venus d'Europe et majoritairement, mais pas seulement naturellement, des îles britanniques, d'Allemagne et ensuite d'Italie, d'Arménie, de tout ça. Donc je ne les oublie pas et vous n'avez pas tort, monsieur, de le rappeler. Pour qui va voter Jérôme Bourbon? Il a déjà répondu la semaine dernière, mais je vais le laisser répondre. Je vais bloquer ça avec une autre question, toujours pour Jérôme Bourbon. Pourquoi préférez-vous Chirac à Le Pen? Tiens, drôle de question. Êtes-vous toujours prêt à voter pour Marine à la présidentielle? Alors, je vous laisse répondre. C'est Jérôme. À qui, là, que ça ferait cette question? À vous. Jérôme Bourbon, pourquoi préférez-vous Chirac à Le Pen? C'est bizarre. Hein, alors, répétez peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit en effet que, pour ma part, Jacques Chirac était le président le plus exécrable de la Ve République, et que s'il semble vrai, hélas, qu'il soit populaire, peut-être parce qu'il avait un côté faussement jovial, et il n'en reste pas moins que son bilan est absolument catastrophique. Je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit donc en matière d'immigration, il a supprimé le service national, on lui doit la loi sur l'avortement, on lui doit le fait aussi d'avoir quand même diabolisé la droite nationale, le Front National. Il avait dit d'ailleurs un jour qu'il n'avait qu'une seule haine au monde, c'était le fascisme. Et je crois qu'il l'a montré, puisque lorsque il a été élu président de la République, les deux premières mesures qu'il a prises, ça a été d'une part de donner la carte d'ancien combattant aux brigades intranationales, ce que même un président socialiste comme François Mitterrand n'avait pas fait, il faut le faire quand même, bon. Et d'autre part, d'avoir, selon l'expression de Jean-Marie Le Pen, payé sa dette à la communauté juive en disant que la France était coupable le 16 juillet 1995, ce grand discours, donc, alors qu'un chef d'État en principe doit défendre son pays, le passé de son pays, son prestige, sa grandeur, sa réputation, sa dignité, eh bien Chirac en a fait tout le contraire en étant un petit peu le petit chiot de Klarsfeld là, dans cette affaire, le petit toutou de Klarsfeld, ce qui en dit long sur son courage politique et intellectuel. Sur sa véritable nature. Nudia nous rappelle d'autres détails, si j'ose dire. Jacques Chirac a bien vendu l'humanité. Absolument, oui. Et signé l'appel de Stockholm. Oui, fondamentalement, il avait un fond radical socialiste, bon, le petit Percueil, tout ça, etc. Je pense qu'il avait effectivement un penchant à gauche. Et il faut vraiment que beaucoup de militants, de gens de droite aient été aveugles pour voter pour lui, parce que moi j'en ai connu quand même beaucoup, hein, de gens qui étaient sincèrement de droite, sincèrement patriotes, qui allaient s'époumoner pendant des minutes à crier Chirac, Chirac, Chirac. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez ça, parfois on peut être tenté pour une certaine misanthropie. Bon, mais je dois dire que ça a quand même fonctionné pendant longtemps, puisque rappelez-vous, même lorsqu'il était président, je me rappelle que Philippe Séguin, lors d'un meeting qui était encore, je crois, le RPR, sauf erreur de ma part, en l'occurrence, il avait dû interrompre son discours parce que pendant des minutes, la salle s'époumonnait en criant Chirac, Chirac, Chirac. Alors même que son bilan était désastreux, qu'il avait fait revenir la gauche au pouvoir avec Jospin en 97, et qu'en aucune manière, il n'avait mené une politique alternative, alors même qu'il était le seul président de la Ve République à disposer d'une majorité absolue, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, puisque même De Gaulle avait le Sénat contre lui. Hein. Bon, oui, alors que là, Mitterrand avait le Sénat contre lui aussi, pendant ses deux mandats, ses deux septennats. Bon, alors que Chirac disposait vraiment d'une majorité, notamment entre 95 et 97, d'une majorité massive des deux. Il pouvait réformer la Constitution, il pouvait faire ce qu'il voulait. Bon. Et il n'a rien fait de cela, si ce n'est pour conduire une politique de gauche et pour participer activement aux divisions des droites ou prétendues droites, bon, et à la diabolisation du Front National en général et de Jean-Marie Le Pen en particulier, c'est évident. Chirac a vraiment été, jusqu'à Rossi, mais je pense que Chirac plus encore. Donc voilà votre réponse pour quelqu'un qui pensait que vous appeliez à voter De toute façon, Chirac représente pas. Mais bien sûr, que vous êtes mourant. Beaucoup Chirac. Mais non, je n'ai jamais voté Chirac pour ma part. Ouais. Je n'ai d'ailleurs jamais voté pour la droite dite républicaine. Et alors, on vous demande encore une fois si vous allez voter pour Marine ou pas. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que... à la limite, je pourrais ne pas répondre, puisque le vote est secret, en quelque sorte. Mais je dois dire que chacun est libre d'agir en conscience. Mais moi, je dois dire que depuis un certain nombre d'années, je n'urne plus. Parce que je considère que finalement, on se fait avoir à chaque fois. Et finalement, ça permet de ne pas se salir les mains. Et j'ai l'impression que, de toute façon, la situation, elle ne cesse de s'aggraver d'année en année. Et moi, il me semble que ne pas participer au code du système, à ses valeurs, à ses mots d'ordre, à ses, je dirais, à ses symboles, eh bien, je crois que ce n'est pas plus mal. Voilà. Je pense que si on est antidémocrate et antirépublicain, autant être cohérent dans les actes. Bon. Mais cela dit, je ne l'impose à personne. Et je sais très bien que lorsqu'il est question des questions électorales, les passions les plus fortes s'expriment et que la raison, souvent, ne l'emporte pas sur les passions. Bon. Donc voilà, je ne veux pas me quereller avec des gens qui feraient d'autres choix. Mais en tout cas, bon, moi, dans les candidats actuels qui se présentent et qui ont des chances d'avoir les 500 prénages, je n'en vois aucun pour lesquels j'éprouve de l'estime, de la confiance, de la sympathie, et dont je pense sincèrement qu'ils pourraient redresser les choses. Honnêtement, je ne le pense pas. Maintenant, d'autres ont peut-être d'autres lectures. Un message d'un auditeur, je suis étonné d'entendre sur Radio Courtoisie des invités dire du mal de M. Le Pen et de M. Philippot. Les intervenants préfèrent sans doute la France délabrée de Hollande, de Sarkozy et de Juppé. Ces messieurs vivent-ils dans la même France que nous? Le seul intérêt qui compte, c'est la France. Alors, je ne comprends pas très bien la question, puisque personne n'a dit du mal de M. Le Pen ici. Alors, au contraire. Et tout le monde sait que nous n'aimons pas la France délabrée de M. Hollande, de Sarkozy et de Juppé. Donc, je pense que cette question est le fait de quelqu'un qui... Non, la question est de savoir simplement si le Front National tel qu'il évolue aujourd'hui... On en parlera tout à l'heure. Bon, peut-être avec Jean-Marie Le Pen lui-même. S'il est une alternative ou pas, d'accord. Alors, Jérôme Bourbon, vedette américaine du président Le Pen, quel plateau du vrai libre journal de la Résistance française dans lignée des anciens. Merci, signé le manant de base. Eh bien, écoutez, c'est gentil. Alors, quelqu'un sur Trump, un homme également pro-Trump, moi personnellement, je ne suis pas tellement pro-Trump qu'anti-Clinton, j'ai toutefois une inquiétude lorsque j'ai lu une déclaration enthousiaste pour M. Trump sous la plume de Guy Millière. Or, Guy Millière et pro-Israël, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, Jérôme? Oui, vous savez, il y a toujours quelques pro-israéliens qui choisissent plutôt des candidats marqués à droite ou très à droite, mais enfin, c'est quand même rare. Il me semble, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, je crois que très massivement, quand même, le lobby pro-israélien est quand même très massivement derrière Hillary Clinton. Et je suis à peu près certain que... Le vote des Américains qui sont en Israël, je veux dire, sera très clair là-dessus également. Bon, je pense que c'est assez marginal. Maintenant, il est sûr que de toute façon, pour être élu candidat à la Maison Blanche, il faut effectivement donner quelques gages. Donc, il a donné effectivement quelques gages. Il me semble que c'est quand même assez minimaliste ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec Hillary Clinton, me semble-t-il. Maintenant, vous dire que si Trump était élu, ce serait la garantie d'un changement radical de la politique étrangère des États-Unis, loin de moi de m'avancer là-dessus, parce qu'on sait très bien de toute façon qu'en démocratie, les dés sont pipés et que bien souvent, les changements ne sont qu'apparents. Bon. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, chez Trump, c'est que ça n'est pas, quand même, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un du sérail. Donc, de ce point de vue-là, ça peut peut-être, je dis bien peut-être, réserver quelques bonnes surprises s'il était élu. Mais sera-t-il élu? Rien en ne tout dit cas, encore. Mettre un peu de désordre dans le système qui tourne rond, qui tourne sans un écroche. Bien, alors on va revenir toujours à la politique française intérieure. J'aimerais que, enfin, Éric, puisqu'on est aux gens qui sont scandaleux, on a parlé de Trump, on a parlé de Le Pen, il y a maintenant quelqu'un qui paraît tout à fait scandaleux, qui justement... focalise toutes les haines de l'intelligentsia de gauche, quelqu'un qu'on ne laisse pas dire ce qu'il veut sans l'attaquer sans cesse, c'est Éric Zemmour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la dernière polémique qu'il a suscitée? Pas plus que Jean-Marie Le Pen, dans son entretien, faisait l'apologie d'une organisation dite criminelle. Pas plus Éric Zemmour ne faisait l'apologie des djihadistes. Il a simplement dit une chose qui paraît, difficile, me semble-t-il, à contester. C'est que, évidemment, il n'approuve pas les tueries. Évidemment, qui ont eu lieu. Il dit simplement les tueries qui ont eu lieu en France, terroristes. Voilà, absolument. Il dit simplement que le drame, c'est que les djihadistes, eux, croient en quelque chose et qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, y compris donc à mourir dans l'acte de mort et de violence qu'ils mettent en scène, alors que malheureusement, nous, on ne croit plus en rien. Et voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'ils mettent leur peau au bout de leurs mauvaises idées. Voilà, exactement, pour un acte évidemment moralement plus que condamnable, évidemment. Il n'y a aucune ambiguïté sur la pensée de Zemmour là-dessus. Moi, je ne suis pas l'avocat de Zemmour, non, pas plus que je ne suis de Trump. Mais dans cette affaire, c'est une querelle d'Allemand. C'est un mauvais procès qui lui est fait, puisqu'aussi bien... il a simplement dit quelque chose qui est évident, c'est que... même si on pourrait considérer que est-ce que finalement ces djihadistes, on pourrait discuter le fait qu'ils aient vraiment une idée à l'élever, parce que est-ce que c'est pas aussi une forme de nihilisme également, ce qu'ils font et tout ça, parce que quand on voit un petit peu leur vie passée, souvent c'est quand même pas glorieux, il y a souvent quand même des actes délinquants assez graves, etc. Donc est-ce que vraiment ce sont des gens qui ont vraiment un idéal, parce que si c'est simplement un idéal de mort, ça n'est quand même pas satisfaisant. Bon, donc on Je voudrais qu'on précise bien les choses. Le fait que l'idéal de mort n'a rien à voir avec le courage physique d'aller. Je me souviens que les mêmes qui sont en train de tomber sur l'orable, ce pauvre Éric Zemmour, considèrent avec faveur et même avec admiration tous les terroristes nihilistes russes et bolcheviques qui ont amené. Depuis les années 1880 jusqu'à 1917, à la Révolution russe. Donc, ces nihilistes qui faisaient sauter des gens sans des dizaines de personnes sans aucune espèce d'état d'âme avec leurs bombes, étaient de bons terroristes, alors que les terroristes islamistes seraient de mauvais terroristes. Pour moi, il n'y a que deux mauvais terroristes, mais ce que j'ai compris de Zemmour, si je ne comprends pas toujours Zemmour, mais là, je crois comme vous l'avoir compris, il n'est pas en train de dire que tel terroriste est bon, lui. Il ne commet pas la sottise de l'intellectuel de gauche moyen. Il dit simplement ceci, le fait de mettre sa peau au bout de ses idées est quelque chose dans la lâcheté générale d'aujourd'hui qui n'est pas méprisable. C'est ça qu'il a voulu dire. Et le fait est qu'aujourd'hui, très rares sont les gens qui ont des convictions fortes et qui seraient capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la privation éventuellement de leur liberté ou de leur vie ou de la perte de biens précieux. Et je crois que c'est quelque chose qui, peut-être dans sa généralité, est peut-être quand même assez récent dans l'histoire, parce que il y avait quand même des gens qui étaient capables, pour une cause qu'ils jugeaient supérieure, qu'ils jugeaient noble, qui étaient capables d'aller jusqu'au bout. Or, on a le sentiment que ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai souvent évoqué cet exemple, pardonnez-moi de me répéter, mais moi ça m'a beaucoup frappé, c'est tout ce qui a eu trait aux grands débats et aux grandes manifestations relatives au prétendu mariage homosexuel, le fameux mariage pour tous. Eh bien, je constate que dans les opposants nombreux et sincères à n'en pas douter, qui étaient contre ce projet de loi, eh bien, je constate que notamment les élus locaux ou nationaux qui défilaient, eh bien, lorsqu'ils se sont retrouvés dans leur mairie, ils ont tous appliqué, à ma connaissance sans exception, ce projet de loi. Alors, Madame Mompard résistait en court moment et puis finalement, elle a cédé, M. Mompard lui-même, alors que c'était quand même parmi les plus en pointe, hein, et tout à fait sincère et dynamique dans le rejet de ce projet de loi. Mais lorsqu'on a posé la question à Mompard, il a dit en substance, moi je ne voulais pas perdre mon mandat. Voilà. Et encore une fois, moi c'est pas pour le juger, Mompard a des qualités, moi c'est pas pour condamner qui que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas que ce soit la bonne méthode, quoi. Et que je ne crois pas qu'on avancera en procédant de telle façon. Je crois que si vraiment on considère que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, l'essentiel, que moralement on ne peut pas accepter, et bien dans ce cas-là, soit on démissionne, soit on accepte les sanctions éventuelles que ou le gouvernement ou la justice peuvent prendre. Mais martyr, ça veut dire témoin, et je pense que le principal pouvoir qu'on a aujourd'hui, c'est celui de témoigner. Il faut que le témoignage soit pur, authentique, il faut dire la vérité, ouais, dans tous les domaines, même si elle coûte, parce que je crois qu'on vit vraiment dans un monde de mensonges, et je crois que vraiment le pouvoir qu'on a sur soi-même et sur les autres, bah, c'est d'essayer justement de dire la vérité, dans tous les domaines. Et ça, c'est une forme de pouvoir. Et je crois beaucoup plus à ça que aux, comment dirais-je, aux illusions électorales ou à quoi que ce soit. Voilà, ouais. Eh bien, je vous coupe un instant, on va reprendre cette conversation qui est très intéressante pour une publicité de Radio Courtoisie. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 6 novembre, nous célébrerons le 29e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 6 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2016 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 6 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Alors, une autre annonce. On me prie d'annoncer une manifestation de SOS Tout Petit le 15 octobre 2016 à 14h30 à proximité de Port-Royal, au coin de l'avenue Montparnasse et de l'avenue de l'Observatoire, accès par le RERB et Port-Royal. Donc, une manifestation de SOS Tout Petit. Et puis, encore quelques questions et remarques des auditeurs. Israël refuse toute immigration non juive, n'a jamais été condamné par les organisations antiracistes, ça me semble assez juste. Galilée prétendait que Kepler avait tort et en fait Kepler avait raison. Kepler avait certainement raison, mais il me semble de mémoire que cet auditeur commet un petit anachronisme, car le grand astronome Kepler a fait ses travaux postérieurement à Galilée, sauf erreur de ma part. Alors, une dame, ça c'est bien d'avoir une réaction de dame, pour éliminer M. Sarkozy, le fauné d'Israël, je pense aller voter Juppé au premier tour. Qu'en pensez-vous? Alors, deuxième question, serez-vous là à la manifestation dimanche? Eh bien oui, je serai là dimanche, mais quelle manifestation? La manifestation de Radio Courtoisie. Mais alors, pour répondre à la question, qu'en pensez-vous de voter Juppé pour éliminer Sarkozy, le fauné d'Israël? Moi qui participe encore à la plaisanterie électorale, ce que ne fait plus Jérôme Bourbon, je trouve que c'est quand même un peu fort de café, parce que je ne vois pas qui est pire que Alain Juppé dans le paysage politique. Il me fait penser en moins actif, en moins jovial, justement, à son maître Jacques Chirac. Sur toutes les questions, qu'elles soient d'identité nationale, de politique internationale, de religion, de société, c'est le centriste de gauche. Donc je ne vois pas l'intérêt. Alors Sarkozy, on sait bien que c'est un vendeur de bretelles, mais je ne vois pas l'intérêt de voter pour quelqu'un qui est catastrophique contre un vendeur de bretelles. Et j'ajoute que moi je connais un certain nombre de gens de gauche qui me disent carrément que non seulement Juppé serait pour eux un choix acceptable, mais quand même, ils pensent aller voter aux primaires pour Juppé, pour éliminer justement Sarkozy, parce que Juppé, comme ils savent que Hollande n'a aucune chance a priori de l'emporter, ils se disent que Juppé, c'est un choix tout à fait acceptable. Et je connais des gens qui ont toujours voté à gauche, y compris même parfois très à gauche, comme Mélenchon, et qui accepteraient tout à fait Juppé. Donc, ce qui prouve d'une part la force de la propagande du système, mais ce qui prouve aussi que Juppé, c'est vraiment le candidat de l'établissement par excellence, hein, le candidat des Américains, le candidat d'Israël. Moi, je suis convaincu que actuellement, c'est véritablement... D'ailleurs, on voit très bien, il y a une certaine offensive contre Sarkozy, dont on sait ce qu'il faut penser. Hein. Son bilan était assez désastreux, c'est évident. Il ne s'agit pas d'en être l'avocat. Mais enfin, je trouve un peu suspect, disons, que d'un seul coup, ressortent beaucoup d'affaires qu'on connaît tous sur Sarkozy, le financement libyen de sa campagne de 2007... ses affaires, bon, alors que Juppé lui a été condamné comme de manière définitive, bon, hein, parce que avec Chirac ils avaient quand même mis à sac la mairie de Paris pour faire en sorte que Chirac arrive à l'Élysée, hein, ce qu'il a obtenu. Il y a d'ailleurs d'autres affaires Juppé, si on se tient au droit commun, hein, l'affaire de l'appartement pour le fils Juppé, c'était quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout, mais où les présomptions sont extrêmement fortes. Bon, c'était quand même un délit de droit commun. Il faut quand même penser que pas plus que Mitterrand n'aurait pu arriver à l'Élysée sans l'affaire Urbain-Gracco, sans la mairie de Paris, les emplois fictifs de la mairie de Paris, et la puissance considérable que ça a donné à Chirac et au clan RPR. Jamais Chirac n'aurait été président, et jamais Juppé n'aurait donc par conséquent obtenu les fonctions très importantes, aussi prestigieuses que rémunératrices, qu'il a pu obtenir dans leur république un peu partout. Bon, ça il faut quand même pas l'oublier, quoi. Et ils s'en sont sortis très bien, avec des peines de prison avec sursis, une inéligibilité d'un an, c'est une véritable honte, alors qu'on est condamné à la prison ferme pour des délits d'opinion relatifs à la loi Pleven ou à la loi Guesso, alors que là, des véritables délinquants, bon, eh bien, qui ont utilisé l'argent public à des fins personnel, bon, en utilisant toutes les méthodes les plus illégales et les plus déloyales et les plus détestables, eh bien, finalement, on s'en sort très bien. Et voilà qu'on présente ce Juppé qui est vraiment le politicien le plus médiocre qui soit, le plus ennuyeux qui soit, parce qu'au moins, bon, bah, Sarkozy, effectivement, a une certaine vulgarité, mais je dirais qu'il a un certain, quand même, talent oratoire. Quoi. Bon, Il libère la parole. C'est ce que disait le journaliste Bruno Robière. Il a libéré un peu la parole de droite, pas sur tous les sujets, hein, soyons honnêtes, mais sur un certain nombre de sujets. Voilà, alors, à des fins électorales, bien sûr, pas par conviction profonde, puisqu'il n'en a pas. C'est un président catastrophique, mais c'est un excellent candidat. Voilà. Parce qu'il fait notre travail pendant. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a dit lui-même que, là, dans sa campagne, il tient bien souvent des discours plus à droite que Marine Le Pen, dont d'ailleurs, les dernières partielles n'ont pas été excellentes. Alors, c'est vrai que les partielles sont vraiment très favorables au Front National, il y a beaucoup d'abstentions. Bon, il a du mal à mobiliser, pardon, mais quand même, je me demande si l'aseptisation quand même du discours de plus en plus net du Front National, finalement, n'est pas quand même, ne finit pas par devenir handicap. Alors, il ne le sera pas forcément au premier tour de la présidentielle, parce qu'il y a une forte participation, parce qu'il y a quand même le nom Le Pen, et puis que de toute façon, il y aura probablement personne à sa droite qui aura la signature, donc elle bénéficiera de ce point de vue-là d'un certain avantage, plus l'exposition médiatique, etc. Mais il n'en reste pas moins que c'était une évolution que je juge fâcheuse. Et Juppé, lui, c'est notre petite Clinton à nous, c'est évidemment... C'est la même chose qu'Hillary Clinton. C'est le candidat du système. Oui, oui. C'est la même génération, ils sont septuagénaires les deux, et c'est vraiment des vieux routiers, des vieux briscards de la politique la plus politicienne. Sauf qu'ils semblent avoir un peu meilleure santé qu'elle, parce qu'elle, vraiment, est menacée par des syncopes, par répétition, des choses comme ça. Mais Juppé, il est certain que si Juppé l'emporte, ce qui quand même... À l'heure actuelle, l'hypothèse la plus probable, c'est la revanche du clan Chirac, hein, c'est certain. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la conversation, on l'a dit tout à l'heure, sur la difficulté de témoigner, sur le martyr, ce que vous appelez le martyr. Alors moi, je distingue deux choses, je pense que vous avez parfaitement raison, pour les observateurs que nous sommes, les journalistes, il faut témoigner, parce que les risques que nous prenons, si on ne prend pas justement de risques excessifs, si on reste dans le cadre de la loi, sont des risques ennuyeux, mais on ne risque pas sa peau, on ne risque même pas vraiment ses biens si on fait très très attention, on apprend à faire attention, hein, en grandissant. Mais alors la difficulté est sur des questions de société comme très importantes, le mariage entre guillemets pour tous, ce sont les maires. C'est vrai qu'on en a pas vu un réagir correctement. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont la charge d'agir? Est-ce qu'ils font en quelque sorte une espèce de balance qu'ont fait certainement des hommes politiques français pendant la dernière guerre? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux collaborer un peu avec le système pour sauver l'essentiel? C'est peut-être ça, c'est peut-être de la collaboration. Je constate que cette stratégie nous conduit de défaite en défaite, de recul en recul, d'échec en échec, et qu'on va toujours plus loin, dans la trahison, dans l'abomination. Voilà, puisque au fond, si on regarde toutes les lois de destruction, de révolution du droit de la famille depuis un demi-siècle, on est allé sans cesse de plus en plus loin et très, très rapidement, parce que je pense qu'il y avait une faiblesse relative des opposants. J'avais revu récemment, il y avait une émission de télévision qui montrait un petit peu les débats qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale au moment de la loi Veil, donc fin 1974, et j'avais trouvé extrêmement faible, extrêmement médiocre, les interventions de ceux qui étaient opposés à la légalisation de l'avortement, qui d'abord utilisaient essentiellement l'argument démographique, qui n'est pas faux, mais qui n'est quand même pas premier, et en plus, notamment il y avait Michel Debré, dedans, et qui disait, bon, éventuellement, on pourrait l'accepter dans certains cas d'exception. Donc, vous voyez, l'opposition n'était quand même pas nette. Et je crois que c'était le pape Pidis qui disait que la force des méchants vient de la faiblesse des bons. Et je crois que c'est très vrai. Et je pense que s'il y a eu tant d'échecs, à la fois du monde catholique, du courant national, depuis si longtemps, il y a certes la force colossale des adversaires, de l'ennemi, la lâcheté générale, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine faiblesse des bons. Et il me semble que parce que les convictions n'ont pas toujours été suffisamment fortes, suffisamment chevillées au corps, et qu'on a justement accepté de collaborer, d'accepter, pensant peut-être sauver l'essentiel. Et ce n'est pas le cas. Je prends un exemple. Je me rappelle en 1999, à l'initiative notamment de Christine Boutin et de quelques autres, il y avait eu des manifestation massive à Paris contre le PACS qui n'était pas encore voté et appliqué, le pacte civil de solidarité, bien. Donc, des manifestations extrêmement importantes, et c'était considéré comme inacceptable. Et d'ailleurs, même une partie, certes minoritaire, de la gauche, des députés socialistes, se sentaient mal à l'aise devant cette évolution législative, puisque certains députés socialistes s'étaient fait porter pâle, et qu'il avait fallu revoter, il n'y avait pas le quorum suffisant, etc., que certains avaient dit en privé à des collègues que, en conscience, ça leur posait quand même un problème. Bon, c'était en 1999. Toutes ces choses paraissent inimaginables aujourd'hui. Tous les partis ont avalé le Pax. Tous les partis actuellement, à part je crois le Parti de la France de Karl Lang, et quelques mouvements qui ne jouent pas la carte électorale. Bravo, Parti de la France de Karl Lang. Tout à fait. Mais je veux dire, le Front National propose un Pax aggravé. On ne sait pas trop d'ailleurs ce que ça veut dire, parce que Sarkozy l'a mis sur le plan fiscal, successoral et patrimonial au même niveau que le mariage. La seule différence, c'était que ça se faisait au gré du tribunal d'instance dans un cas et à la mairie de l'autre. Bon, ça revient à admettre que le Pax est une institution qui a été faite pour tuer le mariage. Évidemment, d'ailleurs, le mariage civil se dissout dans le Pax, et on voit très bien que plus chaque année, plus les Pax augmentent, plus les mariages diminuent. Hein. Il suffit de prendre les chiffres, ils sont très nets et incontestables. Bon, mais il est évident que le Pax a été, contrairement à ce qu'avait dit Elisabeth Guigou, leur ministre de la Justice à l'époque, de manière mensongère, ça a été évidemment la première étape vers le mariage homosexuel. De même que le mariage homosexuel n'est pas une fin en soi, c'est une étape vers la PMA et la GPA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. D'ailleurs, toutes ces initiales qu'on utilise, IVG, c'est pour noyer le poisson. C'est pour cacher l'horreur qui se cache derrière. Hein, voilà, bon. Mais il est évident que, en l'espace quand même de moins d'une génération, en l'espace d'une quinzaine d'années, eh bien, le PAC, c'est fin 99, le mariage homosexuel est voté et appliqué dès le printemps 2013. En moins de 15 ans, finalement, toutes les digues ont sauté. Et malgré les millions de manifestants, etc., mais tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas été au bout. Voilà, on n'a pas été au bout parce qu'il n'y a eu aucun leader qui a dit « mais moi je n'accepterai jamais, je suis prêt à aller au bout au niveau de ma mairie, au niveau de… » Je constate que toutes les mairies Front National ont toutes, sans exception, appliqué, d'ailleurs souvent même pour certaines d'entre elles avec une grande complaisance, le mariage homosexuel, hein, mais pas seulement à un moment. Bon. Et donc ça je le dis aussi parce qu'il faut dire la vérité aux gens, hein, voilà. Je veux dire que c'est inacceptable, bon voilà. Donc tout dépend de pourquoi on se bat, bon voilà. Donc, justement, voilà. Je revenais à Zemmour, je me demandais, quand il ne fait pas du tout l'apologie des terroristes, mais quand il manifeste une certaine estime pour le fait d'être courageux et de mettre sa peau au bout de ses idées. Est-ce que s'il a rencontré autant d'opposition, c'est parce que en creux, il fait la critique de la lâcheté générale, tout simplement. Les gens ne le supportent pas parce qu'il a un peu de courage. Il a un peu de courage. Alors, pas au point d'aborder certaines questions, parce que s'il abordait certaines questions... Non, ça, il serait fou. Il n'aurait plus ses 30 000 euros par mois, il n'aurait plus accès à ses émissions, à ses livres. Bon, donc, il a un courage relatif. Il aborderait tout ce qui est lié à la question juive, au révisionnisme, ça, il ne l'abordera jamais. Ou s'il aborde, il ira dans le sens qu'il faut pour sa carrière. Bon, pas forcément, on verra. Bon, mais malgré tout, je reconnais que par rapport aux autres, c'est un homme qui a quand même plus de courage que les autres. Vous voyez, on est le courage aujourd'hui. Bon, on n'est pas très exigeant. Bon, mais c'est vrai qu'il a aussi un certain talent, une certaine culture politique. Il est agréable à écouter, c'est un vrai débatteur, c'est un des derniers, comme Buisson d'ailleurs dans son domaine, un dernier à faire de la politique, à être un vrai journaliste politique, c'est-à-dire à commenter, à décrypter l'actualité, à l'analyser, alors que les autres ne sont que des lecteurs de dépêches, de prompteurs, et finalement avec un discours politiquement incorrect. Alors que précisément, le journalisme, ça n'est pas, ou en tout cas ça ne devrait pas être l'information brute, ça c'est France Info, et encore une information biaisée comme elle est présentée, mais c'est la mise en perspective de l'actualité, de l'information, son commentaire, son décryptage, son analyse. C'est ça, la beauté, la noblesse, la légitimité du journaliste. Sinon, ça n'a pas de sens. Il y a aussi la recherche de l'information, mais elle non plus n'est pas faite, hein, parce que c'est très difficile de rechercher beaucoup d'informations. Si on n'est pas en connivence voilà. avec le système, c'est très difficile d'avoir des scoops. Quoi. Bon, voilà, c'est très difficile. On peut en avoir parfois, ça nous est arrivé quelques fois, mais il est vrai que c'est plus difficile, parce que, effectivement, c'est un implique d'être en liaison avec des gens proches du pouvoir. Alors si on est un organe qui est d'opposition radicale au pouvoir, c'est évident qu'en principe on n'aura pas, sauf exception, des informations confidentielles. Sauf enquête ou reportage. Le reportage est probablement la seule façon d'avoir de l'information qui ne sont pas de connivence, précisément. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que le journalisme pratiqué... majoritairement, ce site bon qui ne fait pas de commentaires et qui ne fait pas non plus d'informations. Voilà, donc les deux côtés, il échoue. Alors, on va peut-être repartir un peu vers l'étranger parce que il est 19h01, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier. Et je reçois Jérôme Bourbon pour le Club de la Presse en première partie. En deuxième partie, nous recevrons Jean-Marie Le Pen. Donc on va repartir vers l'étranger pour parler un peu de Vladimir Poutine, parce qu'il fait beaucoup parler de lui, il fait parler de lui en France, il fait parler de lui en Chine, il fait parler de lui en Turquie. On va peut-être commencer par la France, parce que c'est là que c'est le plus ridicule pour nous, malheureusement. Alors comme l'auditeur est quelquefois masochiste, donnons-lui sa ration. Bien, de toute façon, depuis quelques décennies, la France qui a un certain nombre d'atouts par rapport non seulement à un certain nombre de pays arabes, mais par rapport plus généralement à une certaine indépendance dans sa géopolitique, dans sa diplomatie, dans ses positions géostratégiques, eh bien, s'aligne de plus en plus sur des positions, on va dire pour faire simple, américano-sionistes. Bon, et donc, on l'avait déjà constaté lors de la première guerre du Golfe en 1990-91. Où François Mitterrand, à tort, avait lancé la guerre dans cette guerre du Golfe. Alors que on aurait eu tout intérêt, comme l'avait dit à juste titre Jean-Marie Le Pen à l'époque, eh bien, à prendre une position inverse. D'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse pour dire, moi je suis à peu près certain que si Marine Le Pen s'était trouvée à la place de Jean-Marie Le Pen à l'époque sur la guerre du Golfe, je suis quasi certain qu'elle aurait pris la même position que François Mitterrand. Parce que c'est une solution... Non, évidemment. Oui, mais pas de politique fiction. Non, je veux pas de politique fiction, mais disons, non, parce que je pense qu'elle a quand même un comportement assez suiviste, finalement, assez politiquement correct, et je pense qu'elle n'aurait pas osé prendre le risque, disons, d'aller à contre-courant. Voilà. Parce qu'elle a écrit un livre ou signer un livre, en tout cas qui s'appelle La Contreflot, mais elle est plus dans le sens du courant en général qu'à Contreflot, il faut bien le dire, y compris d'ailleurs sur les questions sociétales. Bon, enfin, vraiment la parenthèse. Bon, mais donc Jean-Marie Le Pen voilà, avait pris cette position-là, et donc il faut dire que cette position a été validée hein, par le temps de manière évidente, et donc là on s'est mis vraiment, alors qu'on avait des relations tout à fait importantes sur le plan commercial, diplomatique avec l'Irak, ça a été un véritable désastre. Bon, et ça a été pareil avec la Libye, avec Sarkozy, et là ça a été pareil évidemment dans la guerre des Balkans aussi, où on s'est mis à dos la Serbie, etc. Bon, on n'avait rien à faire là-dedans également. Donc à chaque fois qu'on avait quand même des atouts dont on aurait pu jouer, où la France aurait pu montrer une certaine indépendance et jouer dans un rôle tout à fait positif, eh bien elle s'est alignée, enfin, c'est les dirigeants français se sont alignés sur des positions qui étaient tout à fait, d'ailleurs, déjà sur le plan moral, scandaleuses, mais en plus, sur le plan des intérêts français nationaux, tout à fait catastrophiques. Bon. Et voilà qu'on a la même attitude vis-à-vis de Moscou. Alors, on l'a eu dans l'affaire ukrainienne, et pour tout ce qu'on appelait les révolutions oranges, les révolutions colorées, et voilà qu'on fait de même vis-à-vis de la Syrie. Alors même qu'on prétendait combattre activement contre Daesh, contre l'État islamique. Or, il est évident que, qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, les principales forces qui luttent activement contre l'État islamique, c'est quand même le gouvernement légal syrien de Bachar el-Assad, aidé de Poutine. Hein, c'est, je veux dire, nul ne peut contester cela. Et donc, il est évident que participer à la diabolisation du président russe, à la diabolisation du président syrien, d'ailleurs, le président russe, finalement, a décidé de ne pas venir à Paris, parce qu'évidemment, il aurait été maltraité, les communiqués extrêmement violents, déplaisants, du Quai d'Orsay, des chefs de l'exécutif en France vis-à-vis de Poutine, sont tout à fait scandaleux. On voit très bien que... conformément à ce qui avait été la politique de Laurent Fabius lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, au fond, la politique actuelle du Quai d'Orsay, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une politique d'hostilité à l'égard de la Syrie, de Bachar el-Assad et de Poutine, qui est son principal allié, c'est évident. Et que finalement, au fond, même si ce n'est pas dit ouvertement, et contrairement aux apparences, l'ennemi principal, c'est Bachar el-Assad et Poutine, et ça n'est pas Daesh. C'est évident, voilà. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Et donc, c'est quand même très intéressant de constater cela. J'ajoute que, de la part de François Hollande, qui était quand même un président extrêmement médiocre, dont le bilan, finalement, qu'est-ce qui restera de son bilan, finalement, en dehors du mariage homosexuel, hein, qui est quelque chose dont il n'y a vraiment pas de quoi se féliciter, que restera-t-il ? Et plus ces affaires privées tout à fait lamentables. Déjà, du temps de Sarkozy avec Carla Bruni, etc., ça n'était quand même... Puis Cécilia Sarkozy avant, ça n'était pas brillant, mais là, on a atteint des sommets, quoi. Bon. Et donc, il me semble que lorsqu'on a été un président aussi médiocre, aussi débauché, aussi lamentable, il ne me semble pas qu'on ait des leçons à donner à Vladimir Poutine, dont je ne suis pas un admirateur inconditionnel, mais dont je constate quand même qu'il présente plutôt mieux que les pantins que nous avons pour diriger les nations européennes, hélas, aujourd'hui. Alors surtout, dans cette affaire-là, c'est quand même c'est que, au point de vue diplomatique, le président François Hollande a inventé quelque chose d'extraordinaire, ce qui est l'hésitation diplomatique qui permet à la personne qu'on entend, traiter en petit garçon, on lui permet au contraire d'imposer son emploi du temps. Parce que c'est évidemment Vladimir Poutine qui sort victorieux de l'affaire, puisqu'il a finalement annulé sa visite et qu'il a dit de façon très astucieuse: je suis prêt à venir à Paris discuter quand on voudra, quand François Hollande se sentira à l'aise. Donc le monde entier se moque de François Hollande. C'est ça qu'il faut malheureusement comprendre, et comprendre que nous sommes la risée du monde entier. Et alors il dit, et ça rend la position de la France extrêmement faible, effectivement. Alors il dit dans un livre qui paraît demain, de journaliste du Monde, que ce que Hollande aimerait qu'on garde de lui, c'est qu'il a été, je cite, un président courageux. Ce qui est quand même grotesque. Je ne vois rien dans son quinquennat qui implique un quelconque courage que ce soit. Il s'est soumis à une politique mondialiste et onusienne qui veut le mariage homosexuel, qui veut la théorie du genre à l'école. Il a été courageux pour faire ce qu'il devait faire, ce pourquoi il a été commandité. Voilà, en tout cas, c'est pas le courage, c'est pas le vrai courage. Alors, des petites réactions, j'en lis trois d'un coup, parce que ce sont les mêmes, enfin, et je vais tout de suite y répondre moi-même pour vous reposer la voix un peu. À vous entendre, messieurs, vous ne voterez pas au présidentiel. On a envie de vous dire que vous préférez les sortants. Par ailleurs, les critiques faites au FN me rappellent celles faites par le Scalp, la section carrément anti-Le Pen. Sauf que les critiques sont cette fois-ci contre Marine. Écoutez, ça n'a rien de sérieux. Moi, je me souviens très bien du Scalp. Je l'ai combattu. Jamais nos critiques ne s'apparentent à celles du Scalp, naturellement. Et puis, encore une fois, chacun est libre de son vote. Moi, je n'ai jamais dit que je ne voterai pas. Hein. Et je pense même que je voterai. Et Jérôme Bourbon, lui, n'a préfère ne pas voter, c'est son strict droit. Les résultats des précédents scrutins ne donnent pas forcément raison à votre analyse. Voilà. Là, c'est toujours la même chose. S'abstenir au présidentiel, c'est aider l'oligarchie, car la plupart des dirigeants occidentaux ont été élus par une minorité de suffrage exprimé. Voilà. Mais ça, c'est un argument qu'on développe depuis des décennies. Moi, depuis que je suis bébé, quasiment, voilà. J'entends ça et je constate que ce sont toujours les mêmes qui l'emportent. Voilà. Voilà. Donc, par conséquent, ça ne me paraît pas un argument pertinent. Monsieur Bourbon, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande ou Juppé, c'est la même trempe. Ils sont tous contre la France. Exemple de leur présidence. Ne vous suffit donc pas de voir que les deux premiers ont mis la France à genoux. Vous me décevez, mais on en a parlé 15 fois. Mais je ne suis pas sûr que Jean-Marie. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen ferait hélas une politique différente. Ouais, c'est ça avec Philippot. C'est ça le problème. C'est ça. Là, la question peut se poser. Et je dis ça sans méchanceté, sans haine et sans. Voilà, je dis ça, mais j'essaye d'être objectif. Et voilà. Et je considère que quand je vois l'évolution du Front National depuis quelques années, dont l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, dont des positions quand même plus qu'ambiguës sur le mariage homosexuel, sur très en retrait sur l'immigration, très gauchiste sur le plan économique et social, et même dans le recrutement, qui est quand même recrutement, comme on pourrait dire, très gay-friendly, je ne sais pas comment on dit en français. Bon, on dit gay-friendly. Gay-friendly, voilà. Bon, ce ne sont pas des choses, me semble-t-il, qui, de mon point de vue, vont dans le bon sens. Alors, on peut toujours tout relativiser. Ce n'est pas mon cas. Et puis, j'ai vu. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être l'occasion d'en dire un mot. Il y a eu le procès de Le Pen contre Le Pen le 5 octobre, où Jean-Marie Le Pen, il nous en parlera sans doute tout à l'heure, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, a contesté son exclusion du Front National. Or, j'ai constaté que la plaidoirie de l'avocat officiel du Front National, un parfait inconnu d'ailleurs, Maître Georges Sauveur, reprenait tous les arguments de l'extrême gauche, du MRAP, puisqu'au fond, il n'a pas répondu sur des questions juridiques ou techniques, mais il a simplement fait le relevé, très minutieux d'ailleurs, de toutes les condamnations de Jean-Marie Le Pen pour délit d'opinion. Voilà, en disant que c'est abominable, le détail du rapport crématoire à l'internationale juive, les propos sur l'occupation allemande en France, les propos favorables au maréchal Pétain, etc., etc. Donc, si vous voulez, je suis bien obligé de constater en tant qu'analyste politique, en tant qu'observateur, en tant que publiciste, qu'il y a quand même une évolution au Front National. Alors, faut-il la taire ? Certains font semblant, peut-être pour des raisons commerciales. On y reviendra. Voilà. Et puis, chacun son opinion. Moi, je dis ce que je crois être la vérité. Voilà. Si elle plaît, tant mieux. Si elle déplaît, tant pis. Je ne vais pas changer la vérité pour avoir des lecteurs en plus. Kepler, alors on revient sur Kepler et Galilée pour notre auditeur. Kepler a fait sa publication en 1609, approuvée par l'Église Galilée en 1623, oui, certaines choses. Mais, encore une fois, je vérifierai ça dans mes livres, mais la seule chose qui différencie Kepler, sur cette question, et Galilée, c'est que Galilée pensait que l'orbite de la Terre autour du Soleil était ronde et Kepler a prouvé qu'elle était elliptique. Mais je ne sais pas de quand datent les travaux de Kepler et notamment les calculs qui faisaient la preuve de cette orbite elliptique, dont je n'en parlerai pas plus. Il faudrait que on est tous doctus comme libro, et quand on n'a pas le livre devant soi, on préfère ne pas répondre. Un homme, un auditeur qui donne un peu raison, semble-t-il, à Jérôme Bourbon, un peuple qui réélit des traîtres, des corrompus, des lâches, n'est pas une victime, mais un complice, comme confère Orwell. Oui. Malheureusement, je crois que, comme le disait le président d'Égalité et Réconciliation dans un entretien au mois de juillet, malheureusement, Juppé, il est un peu à l'image de la France d'aujourd'hui. Oui. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec un homme comme ça. Moi, au départ, je n'y croyais pas. Oui. J'ai encore une certaine opinion, peut-être un peu trop naïve ou indulgente pour notre peuple, ou ce qu'il en reste. Je me disais quand même, Juppé, il est tellement antipathique, tellement technocrate, tellement odieux, je ne peux pas croire que ce type-là soit populaire. Et finalement, je crois que si, parce que moi j'ai interrogé autour de moi des gens bien sous tout rapport, etc., y compris parfois dans la belle famille ou autre et tout ça. J'en ai été assis. J'ai entendu des apologies de Juppé. J'en ai été assis, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous entendez ça, oui, parfois il y aurait de quoi être misanthrope. Une question pour Jérôme Bourbon. Pourquoi, depuis quelque temps, a-t-on du mal à trouver Rivarol dans les kiosques ? Je ne sais pas, je crois que c'est pas dans tous les kiosques. Il y a aussi de gros problèmes d'acheminement postal qui n'est pas notre fait ici et là. Qu'on nous les signale, qu'on nous téléphone ou qu'on nous envoie des courriers électroniques. Courrier électronique, c'est contact@riverhall.com ou le téléphone lundi, mardi et vendredi au 01 45 86 06 39. Je précise d'ailleurs, parce que parfois on me le demande, pour les gens qui veulent acheter Riverhall, s'ils ne le trouvent pas en kiosque, ils peuvent aller sur notre site riverhall.com, commander des numéros, s'abonner ou nous téléphoner lundi, mais uniquement les lundis, mardis, vendredis en journée au 01 45 86 06 39. Voilà. Alors une observation d'un auditeur qui va dans le sens de Jean Bourbon. Mon intime conviction est que nous ne changerons pas les choses par les urnes, car la majorité des présidentiables sont déjà présélectionnés par des instances internationales supérieures comme le Bilderberg, le Trilatéral, au travers desquelles la puissance exerce son pouvoir. Il est probable que si nous n'avions pas déclaré la guerre à l'Allemagne, on serait toujours en Troisième République. Pourquoi pas ? Non, mais ce qui est vrai, c'est que tous les systèmes de sélection des présidentiables s'opposent à l'esprit de la Cinquième République et permettent de mettre en place des gens qui ne sont pas parfaitement contrôlable et comme il faut. Voilà, il est évident qu'on n'a pas accès aux médias si on tient un discours intransigeant dans tous les domaines. Ça, c'est évident. Évident. Et il faut donc une certaine connivence au départ. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, de ce point de vue-là, déjà, les dés sont pipés, si j'ose dire. Il est 19h15. Vous écoutez Radio Sous Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée de Martin Pelletier. Dans un quart d'heure, je recevrai Jean-Marie Le Pen. C'est en ce moment la fin du Club de la Presse avec Jérôme Bourbon et je dois faire une petite annonce. Le vendredi 14 octobre à 20h30, le Forum de la Chrétienté organise une conférence débat sur les valeurs morales sont-elles de droite. Cette conférence sera produite par Christian Van Est, ancien député du Nord, président du Rassemblement pour la France, président de la Droite libre et président d'honneur de Famille et Liberté, qui d'ailleurs dirige un journal de la résistance française, ici même sur Radio Courtoisie. Cette conférence, donc du vendredi 14 octobre 20h30, aura lieu 9 rue Bergère, Paris 9e. L'inscription au 06 20 35 55 48. Inscription au 06 20 35 55 48. Alors, en quelques minutes, nous avons à peu près moins d'une dizaine de minutes. On va revenir un peu à la politique intérieure. Il y a quand même quelque chose qui a beaucoup frappé les internautes, parce que c'est passé en boucle partout, les images sont passées en boucle partout. C'est l'attaque de plusieurs policiers à Viry-Châtillon par des jeunes, on va dire ça comme ça. Des jeunes qui n'attaquaient pas avec des cailloux, hein, mais carrément avec des cocktails Molotov. L'un des trois policiers attaqués est toujours entre la vie et la mort, d'après Le Monde. Et l'attaque a été menée avec une telle brutalité, une telle barbarie, qu'elle était visible en fait pour tuer, avec des moyens qui sont des moyens létaux. Oui, le cocktail Molotov, ce n'est pas pour généralement les premières communiantes. Alors face à ça, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a utilisé un mot qu'avait déjà utilisé il y a près de 20 ans maintenant, un autre ministre de l'Intérieur, qui était Jean-Pierre Chevènement. Il a parlé de sauvageons. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu scandaleux, Jérôme Bourbon, au moment où le même ministre de l'Intérieur, alors qu'on a relevé des tags appelant à l'assassinat de policiers sur les murs de la Sorbonne, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce qu'il va porter plainte. Et en même temps, il parle d'une attaque de sauvageons comme s'il voulait, comment dirais-je, excuser ces pauvres petits jeunes, en quelque sorte. Oui, c'est le même vocabulaire qu'avait utilisé, en effet, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur. C'est pour ça, quand on pense que le numéro 2 du Front National se définit comme chevènementiste, ça en dit long, quoi. D'ailleurs, je crois que Chevènement a accepté de présider la Fondation pour l'Islam. Bon, Chevènement, c'est vraiment la fausse valeur par excellence. Et là encore, un certain nombre de naïfs qui l'ont qui l'ont présenté comme un homme profondément patriote, alors que c'était l'homme du CRS, la gauche du Parti Socialiste, et que, au fond, il est aussi antinational que les autres, hein, sur l'immigration, sur tous les sujets, c'est véritablement une imposture. Chevènement, d'ailleurs, si on voit toute sa carrière, les faits parlent de manière éloquente. Bon, fermons la parenthèse. Oui, donc l'affaire de Viry-Châtillon, bah, malheureusement, c'est un phénomène qu'on connaît bien depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'on a affaire à un phénomène de guet-apens, où des jeunes immigrés procédant à des trafics de drogue, eh bien, ont vu les voitures de police et ont donc préparé de manière préméditée un guet-apens et en plusieurs mouvements. C'est-à-dire que d'abord, j'ai de cocktails explosifs, de cocktails Molotov qui évidemment vont conduire à l'incendie des véhicules, de sorte que les policiers sont contraints de sortir et on les empêche de sortir. Donc, avec des scènes de vraiment de barbarie, de guerre, des policiers transformés en torches humaines, je crois un policier qui risque de perdre ses mains. Une jeune femme également grièvement blessée. Et donc, on voit très bien que, face à cela, lorsque le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France, je crois entendre ce que tous les politiciens, tous les premiers ministres, tous les ministres de l'Intérieur ont dit depuis 30 ans et plus. Je rappelle que les premières émeutes, sauf erreur de ma part, en France, c'est les Minguettes en 1981. Et bien, depuis 35 ans, les choses n'ont cessé de s'aggraver, de s'enquister, de se putréfier. Et on voit très bien que il n'y a aucune volonté de protéger la police, puisque même la légitime défense est la mise en cause. Je rappelle que les émeutes du Ramadan 2005, c'était à la suite d'un accident, à la suite d'une course-poursuite, hein, ce qui est un cas classique, course-poursuite avec la police, que de jeunes halogènes sont finalement réfugiés dans un transformateur, bon, où ils ont trouvé la mort, malheureusement pour eux. Eh bien, c'est ce qui a conduit à 3 semaines d'émeutes sur toute la France et qui montre bien qu'on est véritablement dans un pays occupé. Hein. Il est occupé par un centre de lobby par le haut, mais il est occupé également par l'Union européenne. Bon, mais il est occupé également en bas, si j'ose dire, par une immigration de masse qui évidemment a voulu favoriser. Les lois le prouvent depuis plusieurs décennies. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est que le bas semble s'opposer au haut. Je veux dire que les milices ou les musulmanes ou les jeunes qui sont en bas semblent s'opposer d'une certaine manière aux sociétés de pensée et aux minorités qui tyrannisent le haut. Mais en fait, dialectiquement, ils font le même travail qui dit la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est véritablement dans l'inversion des valeurs, puisque c'est la police qui a peur, qui se retrouve victime, et la peur a changé de camp, en quelque sorte. Voilà. Et il faut bien comprendre que là, c'est profondément contre nature, ce qui se passe, mais finalement, tout est contre nature dans notre société, parce que ça, c'est contre nature, mais ce qui est tout aussi contre nature, sur le plan anthropologique, c'est tout ce qui concerne la théorie du genre, le mariage homosexuel, et donc il faut bien comprendre que tout ça, c'est lié, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une même politique de liquidation de l'âme française, de la nation française, c'est l'inversion du bien et du mal, du vrai et du faux, du beau et du laid. Et voilà, il est évident que dans un état normal, un état digne de ce nom, la police doit être protégée. Mais il est évident que lorsqu'on demande à la police de surtout traquer les automobilistes qui vont à 150 au lieu de 130 sur les autoroutes, quand on leur demande de traquer les délinquants de la pensée comme nous, qui sont suspects de ne pas respecter la loi Pleven ou la loi Guesso, eh bien, il est évident qu'on est là aussi dans une forme de position aberrante et contre nature. Bon. Et donc, tout dans notre société est inversé, en quelque sorte. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas, malheureusement, ce serait trop simple, par le simple bulletin de vote, où tout est biaisé, qu'on pourra l'emporter. Je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de croire quelque chose. On a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose et qui ont le sentiment de participer à une forme de libération, de délivrance. Et encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, mais je crois que c'est une illusion. Moi-même, j'y ai cru à cette illusion pendant des années. Je le confesse volontiers. Mais je crois vraiment que c'est une illusion parce que, en réalité, les dés sont pipés, en quelque sorte. Et je ne crois pas que la solution, elle sera électorale. D'ailleurs, tous les grands changements en France n'ont jamais été par la voie électorale. Alors, il y a une dame qui me demande quand même, monsieur Pelletier, comment s'organiser pour pouvoir voter Et que doit-on faire? Alors, moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais je vais vous dire ce que je vais faire, moi. Parce que le secret du vote, je m'en fiche complètement. Je me fiche complètement dans beaucoup de choses, d'ailleurs. Donc, moi, malgré tout, je vous le dis très simplement, j'irai voter Marine, malgré tout. Tout en reconnaissant que l'analyse de Jérôme a beaucoup de juste. J'irai quand même, parce que, voilà, on ne sait jamais, c'est un petit peu comme, comment dirais-je, comme on achète un billet de loterie, on ne sait jamais, hein, comme disait la publicité, 100% des gagnants ont joué. Voilà, c'est ma réponse. Et j'irai même plus loin, je vais probablement aller voter aux primaires de la droite, je vais aller voter Sarkozy. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour que la campagne électorale, parce que là, je crois que les campagnes électorales servent à quelque chose. Si les scrutins eux-mêmes ne servent pas toujours, les campagnes servent à quelque chose. Pour que la campagne soit le plus à droite possible et qu'il y ait une plus grande libération de la parole possible. Après ça, j'irai me reposer, ayant fait mon devoir. Et puis on verra bien ce que ça donnera. À mon avis, rien. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, dans deux minutes, la première partie va se terminer. Je dois répondre quand même à un interlocuteur, un auditeur qui plusieurs fois m'a parlé de Kepler et qui me rappelle que Kepler a vécu, parce que lui, il a le livre devant lui, de 1571, date de la bataille de Lépante, à 1630. Eh bien, écoutez, si vous avez le livre devant vous, j'accepte que vous ayez raison, que j'ai eu tort, mais la question n'était pas là. Ma critique portait sur une chose, c'était le débat, parce que le débat entre, comment s'appelait-il, il n'y a même pas eu de débat. La différence entre Galilée et Kepler, c'est que Galilée croyait à tort que l'orbite de la Terre était ronde, un orbite. Et Kepler a démontré qu'elle n'était pas ronde. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, il est 19h25, vous écoutez toujours le journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier. Nous terminons cette première partie avec Jérôme Bourbon, qui va rester pendant toute la première partie de la deuxième partie pour m'aider à interroger notre invité de la deuxième partie, qui est Jean-Marie Le Pen. Et donc, je vous dis simplement à tout de suite.